L'abonnement au réseau national d'ordinateurs est terminé pour 32 écoles et annexes de 6 villes et arrondissements sinistrés de la province d'Yangon du Nord.